Balandard, c'est un artiste de théâtre très sympathique que vous avez déjà certainement rencontré, soit dans les coulisses du théâtre ou au Petit Café du Point. Et il aime bien parler de son métier parce qu'il l'adore. Et si un jour il venait ici, il est un peu hableux, il est Balandard. Et s'il venait ici, voilà ce que ça pourrait donner, Balandard, un artiste imaginaire, bien entendu. Mes chers enfants, je vais vous narrer une anecdote tirée de mes pérégrinations internationales. C'était au Palm Beach de Rio de Janeiro. Non. C'était au Grand Bal Avril à Paris qui se passe à New York. Où nous avions été représentés l'art français. Non, c'était pas là non plus. Mais où était-ce donc? Ah, j'y suis. C'était à l'Alcazar de Rodez en 1913 où nous avions été créé une pièce classique, La Grosse Nana. En vedette, il y avait Boudu. C'est pour vous dire s'il y avait un beau programme. Et en vedette américaine, il y avait Transcène, Jean Transcène. En vedette anglaise, il y avait Hochon, Paul, etc., etc., etc. Et il y avait moi-même, Balandard, votre serviteur, et qui avait le huitième principal rôle, le rôle de l'albardier. En vedette portugaise. Je devais rentrer sur scène lorsque Boudu, qui avait le rôle du seigneur, disait avec cette belle voix grave qui avait fait tout son succès auprès des dames: tiens, quelle surprise! Voilà l'albardier. Et je rentrais sur scène, habillé en albardier, disant: monseigneur, que dois-je faire? Va donc cueillir des fraises pendant que je vais m'entretenir avec ta sœur. Auquel je répondais: jamais, monseigneur, vous passeriez plutôt sur mon corps. Et il me répondait: je préfère ta sœur. Bon. Or, ce soir-là, à Rodez, soirée de première, il y avait toutes les personnalités. Il y avait le secrétaire du premier adjoint au maire qui était dans sa loge avec tous ses beaux-frères. Il y avait le premier adjoint au sous-préfet qui était là avec tous ses beaux-frères. Le capitaine de gendarmerie, le capitaine des pompiers avec tous ses beaux-frères. Le capitaine de qui, capitaine, enfin tous ceux qui payent jamais au spectacle. Et qui font que les petites places sont si chères. Bref, il y avait le général Bougnazel qui s'était fait représenter par un caporal de carrière. La belle soirée. Il y avait aussi la loge du commissaire de police. Vous avez oublié, je devais faire l'albardier au septième acte. Très important. Le début du quatrième acte commence et la première phrase de Boudu devait être: quand vous descendrez, montez dedans. Vous verrez le petit comme il est grand. Pourquoi que ce soir-là, Boudu fut pris par le trac, je ne sais. A-t-il été trop félicité à l'entracte? Je ne sais, toujours est-il qu'il rentre sur scène. Impossible, impossible de se souvenir un seul mot de son texte. Et je vois ce pauvre Boudu complètement perdu sur la scène, en train de... Il reste quoi? Ça, c'est curieux. tas de marins. Combien de familles? Ils sont partis joyeux pour des courses lointaines, ils ne sont pas revenus. Il y en a des pleins maintenant. Le souffleur. Vas-y, tu. Le souffleur était tchécoslovaque. Les machinistes soufflaient, le régisseur soufflait, tout le monde soufflait. Tout le monde était au courant de la phrase, c'est moi une si le public lui-même ne soufflait pas. Et ce pauvre vaudu complètement perdu. J'étais dans les coulisses, je vaquais. Je devais faire l'albardie au 7e acte, j'avais le temps, nous étions au 4e. Et je me mets à lui crier, débonnaire. Quand vous descendrez, montez dedans. Mes pauvres enfants, l'ai-je surpris? Toujours est-il que se tournant vers moi et me voyant là devant lui, en désespoir de cause, il se met à dire: tiens! Quelle surprise! Voilà l'albardier! Moi qui étais habillé en ménestrel. Au 4e acte, je faisais la foule. Quiconque à ma place eût été désorienté. Est-ce qu'on allait rentrer sur scène et dire: mesdames, messieurs, on s'est trompé, on va fermer le rideau? Non! Il fallait quoi faire? Enchaîné! Je fais ni une ni deux, je cours dans ma loge. Je m'habille en hâte, en albardier. Je mets mon casque sur ma tête. Et ne voilà-t-il pas que dans ma précipitation, le homme se coince devant les yeux. J'essaye en vain de le lever, de le décoincer. Pendant ce temps, j'entendais toujours Boudu qui disait pour la 6e fois: tiens, quelle surprise! Voilà l'albardier! Voilà l'albardier! Voilà l'albardier! Je prends mon albarde au hasard, je descends les escaliers au radar et je rentre sur scène quand pour la 12e fois, il y avait Boudu qui disait: tiens, quelle surprise, voilà l'albarde. En fait d'albarde, j'avais pris le balai de service. Hilarité générale. Nous avons été hués. Mes chers enfants, moi, Balandard, pour sauver la vedette Boudu, j'ai été hué. Et ça m'a marqué toute la vie. J'étais victime de mon devoir et marqué au fer rouge. J'ai accepté. Et ça m'a été très dur. Victime de mon devoir, car chaque fois que je suis retourné à Rodez pour jouer soit une comédie ou un drame, il s'est trouvé chaque fois un manant dans la salle pour me crier lorsque j'arrivais sur scène: tiens, quelle surprise! Voilà l'albardier!